Bonjour à tout le monde. Cette fois, je vais vous parler du respect des préférences d'être ce soir et en relation avec homosexuel, mais aussi du contrat, mais surtout du respect du droit de l'enfant de ne pas être influencé par sa sexualité à contre-nature. Avec l'exemple. C'est clair que toute personne a le droit de décider de sa préférence à un âge suffisant, sans distinction de l'environnement. Mais elle doit également respecter la préférence des autres. Et j'insiste sur le fait que l'enfant ne devait pas être influencé dans leur sexualité par une nature non naturelle. Il y a des endroits où la préférence à contre-nature est un plus grand nombre de personnes et qui sont de respect comme de préférence naturelle. Nous devons veiller, nous devons assurer à ce que l'enfant ait un bon environnement et que lorsqu'il sera plus âgé, il choisira leur préférence. De son propre droit. Bon, c'est tout. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. À plus tard.